Alors ça, c'est une nouvelle, un nouveau klaxon de la CGT. Qui est trimballé par un petit camion avec une grosse bonbonne d'air en dessous pour l'actionner, d'air ou de gaz, je sais pas à quoi ça marche, mais voilà, c'est tout un petit camion qu'il faut pour trimballer ce klaxon puissant.